Parce que vous vibrez pour les vrais succès, tous les jours, à tout moment. Toute la musique d'une époque inoubliable. Succès légendaire et l'actualité au présent. AM 940 Montréal. La prochaine heure, une présentation de Duo Centre Laval. Les plus grands succès, toutes époques confondues. Collection 940. Thank you. assez clair comme de l'eau de roche. Rocher percé, t'en souviens-tu? Il est toujours là, il bouge pas. Y'a rien qu'un œil, mais il te regarde. Ça c'est moi, oui tu me vois pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? C'est comme ton nom, tu regardes, pensant que c'est toi, mais c'est pas toi. Ton nom te suit, suis-là dans pas. C'est ma bebelle, c'est notre bebelle. Moi je m'en occupe, occupe-toi pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Il fait soleil, même si ça pleut, même si ça pète, même si ça tonne. Ça m'étonne pas, moi j'ai la paix. Toi tu l'as pas, mais ça viendra. Moi je me sens vie, puis je veux revenir. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? J'suis défriché, pas défroqué. En dessous de mes cheveux, j'ai ma tête. Un Québec là, ça c'est mon bar. Pour faire quelque chose, envoie sa presse. Lâche pas bonhomme, ce sera ta fin. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Dis les états, c'est ta personne, c'est ta babelle. C'est pas notre bebelle qui se l'arrache. Puis moi, je m'en sac. Moi j'ai mon arche, arche de Noé, oui Noël, tremblé, c'est à nous autres. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Y'en a plus de Christ, y'a plus de Christmas. Ils se l'arrachent, leur Santa Claus, de chez Simpson, de chez Eaton. Moi je me contente de du puits frais, moi je me contente au maire de serre. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pacifique blanc, rouge les Anglais. Pacifiquement, si c'est possible. Si c'est possible, pacifiquement. Si ce n'est pas, donne-moi un gang. Donne-moi un gang, moi je m'en occupe. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Une toile blanche, des pots de peinture tout neuf, la plus belle des inspirations, au son de ma radio AM 940 Montréal. Une collection 940. Dîner. remplir mon appareil. Des pays, mais c'est mieux pour nager. Entrez dans les couloirs secrets de la si convoitée discothèque du AM 940. Savourez le moment. Collection 940. Écoutez Collection 940. Oh, histoire d'amour. Une grande marche dans mon quartier. La bonne humeur contagieuse au son de ma radio. AM 940 Montréal. Les plus grands succès, toutes époques confondues. Collection 940. problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being cruel. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Luc Gélina vit au rythme de la Ligue nationale de hockey. Il partage ses primeurs et analyses avec nous chaque semaine à CNV Radio Numérique et au AM 940. Parce que vous vibrez pour les vrais succès, tous les jours, à tout moment. Qui a marqué à jamais. Mathieu Ferland, du lundi au jeudi. Radio et Nicolas Deslauriers, les vendredis, vous font passer les meilleurs matins en compagnie de leurs précieux collaborateurs. La meilleure équipe, la meilleure musique pour nous lancer vers une autre superbe journée. Radio Réveil, du lundi au vendredi, 6h30. Je me charme par tes mots et ta musique. Me fais danser sur les grands classiques. Chaque fois que tu joues dans mes oreilles, mon âme s'émerveille. On se fréquente à la bonne fréquence. Ah, ah, ah, 9-9-40. Chaque fois que tu joues dans mes oreilles, mon âme s'émerveille. On se fréquente à la bonne fréquence. Les plus grands succès musicaux et tout ce qu'il faut savoir de l'actualité, AM 940 Montréal. Chaque fois que tu joues dans mes oreilles, mon âme s'émerveille. On se fréquente à la bonne fréquence, AM 940. Entrée. infiltré dans les couloirs secrets de la si convoitée discothèque du AM 940. Prenez place discrètement et savourez le moment. Collection 940.